إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé maintenant à la cinquième partie de l'explication de شرح مسائل الجاهلية. Et on est toujours dans le deuxième point. Le point qui a rapport avec le fait que les gens de la Jahiliya, ils étaient sur la divergence et la division dans leur religion. Et qu'ils agréaient la divergence et la division. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les opposer. Il est venu pour opposer les gens de la Jahiliya sur ce point-là. Et sur d'autres points, mais sur ce point-là également. Et donc, on a expliqué tout ce qui avait rapport avec cette question-là. Maintenant, on rentre dans les questions de divergence, yani dans les questions de fiqh et aussi dans les questions, c'est-à-dire comment on regarde la divergence par rapport à l'islam entre les musulmans. Et comme on avait expliqué, qu'on avait commencé à expliquer qu'il y avait deux catégories de divergence. On a expliqué que la première catégorie de divergence, c'est la divergence dans les croyances, dans la pratique et dans l'adoration, et on a expliqué que cette catégorie de divergence-là, elle est haram. Et on a donné des exemples de ça. On a donné des exemples de ça, par exemple, des divergences qui peuvent arriver dans les croyances comme chez certaines sectes, et on a mentionné comme par exemple les Qadariya, on a mentionné les Khawarij, on a mentionné les Murji'a, on a mentionné les Mu'tazila, les Jahmiya. On a mentionné d'autres parmi les groupes et les sectes, comme les Asha'ira, les Maturidiya. On a également mentionné les groupes contemporains, comme les Ikhwan, Tablir et les autres groupes. On a expliqué que ces divergences-là entre les musulmans, ce sont des divergences qui sont interdites. Ce sont des divergences qui sont haram. On n'a pas le droit de suivre ces divergences-là. Puis, en ce qui concerne les divergences dans l'adoration, on a parlé de l'interdiction des innovations et des bid'ah, et on a expliqué que ces choses-là sont interdites, puis que l'adoration et la croyance, ça c'est des choses qui sont tawqifiyah dans la religion. Ça veut dire, on ne peut pas inventer de nous-mêmes, ramener des choses de nous-mêmes, de notre propre compréhension, de notre propre imagination, inventer des choses, ça c'est pas permis. Il faut juste suivre ce qui est mentionné dans la révélation et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces questions-là. Et on avait commencé à expliquer la deuxième catégorie de divergence, et on a expliqué que ça, c'est les questions dans lesquelles il y a, la possibilité de diverger dans certaines questions qui sont reliées à l'ijtihad, dans les questions de fiqh. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-qismu al-thani, al-ikhtilafu fi ma al-ra'yi fihi majal, ou ma huwa musarrahun للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة وهذا يقع فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها ولكن ما ليس عليه إجماع من مسائل الاجتهاد من المسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص والاجتهاد مشروع في ذلك وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف وهذا فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون وهذا الاجتهاد على قسمين. Donc le cheikh explique premièrement que, comme je disais, il y a une catégorie de divergence qui est, dans laquelle il y a une possibilité, c'est-à-dire il y a des divergences qui sont ouvertes aux opinions et dans lesquelles il peut y avoir divergence, et ce sont les questions reliées à l'ijtihad qui sont dans les questions de fiqh. Okay? Et l'ijtihad, les questions d'ijtihad, ce sont les questions sur lesquelles il n'y a pas les problèmes ou les questions qui apparaissent dans la vie qui, au sujet desquels il n'y a pas de texte qui sont explicites dans le Coran et dans la Sunna pour traiter de ces sujets ou de ces questions-là qui apparaissent dans la vie. Et donc, les ulama, lorsqu'ils traitent de ces questions-là ou quand ils essaient de trouver des verdicts ou des réponses à ces différentes questions, eh bien, ils utilisent qu'est-ce qu'on appelle al-ijtihad, c'est-à-dire, ils ont des procédés qu'ils utilisent, qui sont extraits, bien entendu, des principes et des fondements de la charia, par lesquels ils arrivent à extraire des verdicts, des textes de la révélation, lorsqu'il n'y a pas de texte explicite sur quelque chose, en utilisant les fondements de fiqh, les usul al-fiqh, et les qawa'id al-fiqhiyya, et d'autres, également d'autres parmi les outils ou les principes qui existe pour faciliter dans ces questions-là. Et dans ces questions-là, sur lesquelles il n'y a pas de texte explicite, il peut y avoir de la divergence entre les ulama, d'accord? Parce que la compréhension et le niveau d'intelligence de chacun parmi les ulama est différente. Certains ulama, ils ont une grande compréhension, une grande intelligence, ils arrivent à déduire des choses et à comprendre des choses, des textes que d'autres savants n'arrivent pas à comprendre ou à connaître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné à chaque être humain le même niveau de compréhension, le même niveau de connaissance. Donc ça, à cause de ça, ça c'est un des facteurs qui fait qu'il y a des divergences entre les ulama dans les questions du jtihad. Et par contre, donc les questions d'ijma, les questions sur lesquelles il y a des consensus entre les sahaba, quand il y avait une question sur laquelle ils sont tous d'accord, ces questions-là sont limitées, les questions d'ijma, elles sont limitées. Et une fois qu'ils sont d'accord sur quelque chose, alors personne n'a le droit de diverger avec eux. Personne n'a le droit de diverger avec les sahaba une fois qu'ils sont d'accord sur quelque chose. Wa alaykoum salam, ya hamdoukallah. Mais en ce qui concerne les questions qui sont reliées à l'ijtihad, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire les questions d'ijma ne rentrent pas dans l'ijtihad. Les questions d'ijtihad sont les questions sur lesquelles, comme j'ai dit, il n'y a pas un texte explicite et donc les ulama doivent utiliser des analogies ou d'autres outils pour arriver à extraire les verdicts des textes. Et donc, dans ces questions-là, l'ijtihad, elle est permise. Et il y a eu de l'ijtihad à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est connu, et il y a eu des divergences, donc il dit, il y a eu des divergences dans l'ijtihad de certains parmi les sahaba déjà même à l'époque, et ça c'est pas des divergences dans l'aqidah, c'est pas considéré comme des divergences dans l'aqidah, ça rentre pas dans l'aqidah, parce que l'aqidah c'est, comme on a dit, tawqifi, on s'arrête au texte, et qu'est-ce qui est écrit, on y croit, et ça s'arrête là, l'adoration c'est la même chose. C'est ton prix si on s'arrête tel que Allah nous ordonne de faire les choses, on le fait comme il nous l'ordonne. Mais dans les questions de fiqh, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient des ijtihads et il y avait parfois des divergences. Donc le chef a dit il y a deux catégories d'ijtihads. Deux catégories d'ijtihads. Il y a une catégorie d'ijtihad, la première, le cheikh il dit قسم ظهر الدليل مع احد الطرفين المختلفين فيه الذي ظهر قسم ظهر الدليل مع احد الطرفين المختلفين فيه فيجب أخذ ما عليه الدليل وترك ما لم يقم عليه الدليل فتعرض آراء الفقهاء على الدليل فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال هذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأئمة الأربعة Donc la première catégorie des deux catégories d'ijtihad qui sont mentionnées ici par le Cheikh Al-Fawzan, c'est la catégorie d'ijtihad dans lequel on va dire il y a deux personnes qui ont divergé sur quelque chose, ou bien il y a deux savants, un qui a une position, un autre qui a une autre position. Mais il y en a une des deux qui est plus proche de la preuve. Hein, on voit clairement que sa position elle est plus proche de la preuve. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de prendre la position du alim qui a fait une ijtihad qui est plus proche de la preuve, et d'abandonner celle qui n'est pas supportée par la preuve. Donc lorsqu'il y a des divergences d'opinion entre les fuqaha, c'est comme ça qu'on doit procéder. Hein. Et donc on va prendre la position du faqih ou du alim qui est plus proche de la preuve. Et donc ce qui est supporté par la preuve, on va le prendre, et ce qui contredit la preuve, on le rejette. Et c'est obligatoire au mujtahid, celui qui a fait l'ijtihad et qui n'a pas réussi à atteindre la vérité dans son ijtihad et qui a contredit la preuve, c'est obligatoire pour lui de laisser tomber son ijtihad et d'accepter la vérité et de revenir à la position correcte et à la position de vérité. Hein? Et c'est pas permis pour lui de persister à garder son opinion quand il a compris qu'il s'est trompé. Et c'est pas permis à quelqu'un d'autre qui le suit de continuer à le suivre une fois qu'il a compris que son ijtihad était incorrect. Et ça, c'est quelque chose à notre époque parfois que certaines personnes n'ont pas compris. Tu vois parfois des fuqaha ou des shuyukhs, ils font une ijtihad et leur ijtihad, on leur montre par la suite que leur ijtihad est contraire au dalil, malgré qu'on leur a montré, qu'on leur a expliqué, on leur a prouvé ça, ils veulent persister à s'accrocher à cette ijtihad-là, malgré qu'elle est contraire au dalil. Et parmi les autres personnes qui ont suivi cette ijtihad, si on leur a montré, ou on leur a expliqué, ou prouvé que le cheikh sur lequel ils se basent pour suivre leur opinion s'est trompé dans son ijtihad, eh bien, ils veulent continuer quand même à suivre ce cheikh-là, même s'ils ont compris par la suite que c'était une erreur. Hein? Et c'est comme si on dirait que certains, ils s'imaginent qu'ils ont le choix d'agir comme ils veulent et de choisir l'opinion qu'ils veulent. Comme si l'islam, hein, c'était une sorte de bazar, tu prends l'opinion qui te plaît, qui est en accord avec ta passion, et tu rejettes l'opinion qui est contraire à ta passion ou ton désir. Et il y en a qui jouent avec ça à notre époque. Il y en a qui jouent avec ça à notre époque, il y en a même qui disent, bon ça y est, il y a 8 différentes opinions, tu choisis l'opinion parmi les opinions des ulama qui va aller avec le contexte de la société dans laquelle tu vis. Donc si tu vis dans une société qui n'est pas musulmane et que tu vois qu'il y a 8 opinions différentes sur quelque chose, tu dis celle-là c'est plus facile, celle-là c'est plus, ça me permet de faire ce que je veux, donc c'est celle-là que je prends. Il ne prend même pas en considération la preuve sur laquelle cette opinion-là est basée et il fait juste la prendre comme ça et la choisir arbitrairement, comme si c'était permis de faire ça dans l'islam. Donc ça, c'est une attitude qui est incorrecte. On n'a pas le droit de suivre une position d'un savant alors qu'on sait que son opinion elle est incorrecte et qu'elle est contraire au dalil. Mais malheureusement, aujourd'hui, on dirait que certains se sont imaginés que c'était correct de faire ça. Donc, le cheikh il dit, les imams de l'islam, ils nous ont tous enjoint, ils nous ont tous donné le conseil et l'ordre de prendre leur position et de les comparer aux textes, aux preuves, pour voir si elles sont correctes ou non. Et de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et il commence par donner un exemple des paroles de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Abu Hanifa, il dit, si le hadith te vient de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors tu l'acceptes. Il dit, ala ra'si wal ayn. C'est une expression qui veut dire, yani, c'est bon, yani, on l'accepte, on ne discute pas. Si il y a une parole qui te vient d'un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ala ra'si wal ayn, on l'accepte. Mais si c'est une parole d'un tabi'i, qui est rapportée parmi les paroles des tabi'in, alors ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Ça c'est les paroles de l'imam Abu Hanifa, en voulant dire qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir fait une ijtihad dans laquelle ils ont fait une erreur. Dans ce cas-là, on va analyser leur opinion, puis on va prendre l'opinion qui est plus proche du dalil. Et ça c'est les paroles de l'imam Abu Hanifa, qui est le premier et le plus ancien parmi les quatre imams des mazahib. Ensuite il dit, « l'imam Malik, rahimahullah, yaqul, كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به أو ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. Donc le cheikh il dit que l'imam Malik, rahimahullah, il dit, chacun d'entre nous, sa parole peut être rejetée. Kulluna radun, chacun d'entre nous on peut refuter une parole ou bien on peut être réfuté. On peut rejeter la parole de quelqu'un ou être que notre parole à nous peut également être rejetée. Excepté celui qui est dans cette tombe. Et il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle, on l'accepte sans discuter. C'est une parole qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas selon le désir et la passion. Et donc, on l'accepte. Mais, en ce qui concerne quelqu'un d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les ulama ou parmi ceux qui sont venus après, ils peuvent avoir raison, comme parfois ils peuvent se tromper aussi. Et donc, il faut regarder les paroles de ces imams ou de ces ulama selon les preuves et selon les textes. Après, il dit, rahimahullah, est-ce que chaque fois qu'un homme qui sait mieux argumenter qu'un autre vient débattre avec nous, on va abandonner ce que Jibril a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de ses arguments, à cause de sa façon d'argumenter? Eh ben, ça c'est une parole de l'imam Malik encore une fois, qui dit que c'est pas à chaque fois quelqu'un il vient, il sait comment jongler avec les mots, comment philosopher, il veut commencer à te remettre en question les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas abandonner ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit pour la parole de quelqu'un juste parce que il sait philosopher et des choses de ce genre. Donc ça c'est un exemple encore une fois, qu'on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on n'abandonne pas sa position ou sa parole pour le discours ou pour les paroles de quiconque en dehors de lui. Il dit également, ويقول رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer ou pour corriger l'état ou la situation des premiers parmi les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on ne pourra pas réformer les derniers de cette umma excepté en utilisant la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été utilisé pour les premiers, c'est ça qui doit être utilisé pour réformer les derniers de cette umma. Hein? Et on ne pourra pas faire aucune réforme excepté en utilisant ce que les premiers ont utilisé parmi nous, c'est-à-dire qu'est-ce que les sahabas ont utilisé pour réformer, et c'est-à-dire, comme le cheikh il dit, ما هو الذي أصلح أولها الكتاب والسنة هذا كلام الإمام مالك. Qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer et corriger la première génération? C'est le Coran et la Sunna. Et donc c'est là-dessus, c'est sur ça qu'on doit se baser si on veut faire une réforme nous aussi. Ensuite, le cheikh dit: والإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمات الشافعي رحمه الله. donc الشيخ دي الإمام الشافعي رحمه الله il dit: les musulmans sont tous d'accord pour dire qu'une fois que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée pour quelqu'un, il n'est pas permis pour lui de l'abandonner ou de la laisser pour la parole de quiconque. Une fois que la sunna elle a été clarifiée pour quelqu'un, il ne peut pas la laisser cette parole ou cette sunna pour la parole de quiconque en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit le plus grand savant de toutes les époques, de tous les temps. Peu importe que ce soit un grand chef ou un grand imam. Donc, ça c'est une des paroles de l'imam al-Shafi'i. Et il dit également: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. Donc, si ma parole est en contradiction avec la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prenez ma parole et jetez-la sur le mur, hein, et suivez la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit également: si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab, c'est ça ma position, et c'est ça ce que vous devez suivre. Et il dit: wa al-imam Ahmad rahimahullah yaqul ajibtu li qawmin arafu l'isnad wa sihata yadhabuna ila ra'i Sufyan والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعضه أو بعض قوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. الإمام أحمد رحمه الله qui fait aussi partie des quatre imams parmi les grands imams de l'islam, il dit: je suis étonné des gens qui ont, non seulement ce sont des ulamas de l'islam, hein, mais ils ont étudié, ils connaissent l'isnad du hadith, ils connaissent l'isnad du hadith, ils connaissent l'authenticité du hadith quand on leur donne, quand on leur mentionne les preuves. C'est pas comme des gens d'aujourd'hui à notre époque, hein, connaissent pas l'isnad, connaissent pas l'authenticité du hadith. On peut discuter, ces gens-là, ils peuvent être excusés parce qu'ils ne savent pas. Mais l'imam Ahmed, il mentionne des gens qui ont du ilm. Il parle des gens qui ont de la connaissance. Il dit des gens qui connaissent l'isnad et qui connaissent son authenticité. Et ils laissent de côté le hadith et ils prennent la position de Sufyan, Sufyan al-Thawri, un des grands imams parmi les fuqaha de l'islam, parmi les salafs. Donc il dit par Allah, hein. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 63, dans Surat al-Nur, que ceux qui contredisent son commandement, hein, qu'ils craignent, ils devraient avoir peur, ils devraient prendre garde, ils devraient faire attention qu'ils soient frappés par une fitna, ou bien qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Attendez mal fitna, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la fitna qui est mentionnée dans ce verset? La fitna, c'est le shirk. Hein? Et il dit, il se peut que cette personne rejette une partie, hein? Ils rejettent une partie des paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à cause de ça, il y a une certaine déviation qui rentre dans son cœur, et il périsse à cause de ça. Hein? Donc ça c'est dangereux et c'est grave. إذن هذه أقوال الأئمة المجتهدين اجتهدوا عن علم وعن أهلية للاجتهاد ولكن لم يدعوا لأنفسهم العصمة بل أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي لأن الغرض هو اتباع الدليل وليس الغرض قول فلان ولا فلان فلا يتعصبون لأئمتهم وإنما يتعصبون للدليل فقط وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا ويقولون انظروا في أقوال العلماء فخذوا ما قام عليه الدليل وكلامهم في هذا معلوم في كتبهم الشيخ الزي donc ça c'est les paroles des grands imams parmi les ulama les mujtahidin yani ceux qui ont fait des ijtihad dans la science et qui possédaient les aptitudes et les capacités pour faire cet ijtihad et pour pratiquer ces formes d'ijtihad. Mais malgré le fait qu'ils faisaient des ijtihadats, c'est pas comme certains aujourd'hui qui prétendent être des réformistes ou qui prétendent être des gens qui sont capables d'adapter les textes au contexte hein, alors qu'ils n'ont même pas atteint le moindre des niveaux dans l'ilm. Eh ben, ça c'est des imams parmi les grands imams de l'islam et des grands mujtahidines qui avaient toutes les aptitudes pour le faire. Hein? Et malgré ça, ils n'ont pas prétendu d'avoir atteint l'infaillibilité ou d'avoir une certaine infaillibilité. Jamais. Hein? Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils peuvent se tromper. Et ils ont demandé aux gens de ne pas les suivre aveuglément. Et que lorsqu'on trouvait que leurs paroles étaient en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna, de laisser de côté leurs paroles et de suivre les preuves des textes. Hein? Donc ça c'est la leçon qu'on tire de ça. Et donc le cheikh il dit, c'est obligatoire pour le Hanbali, c'est-à-dire la personne qui suit le madhhab al-Hanbali, lorsqu'il voit que la preuve par rapport à quelque chose dans l'islam, elle est avec le Shafi'i, eh bien c'est obligatoire pour lui de prendre la position de Shafi'i sur cette question-là. Et si il est Shafi'i, eh bien c'est obligatoire pour le Shafi'i lorsqu'il voit que le dalil il est avec le Hanafi par exemple, mais c'est obligatoire pour lui de prendre la position de Al-Hanafi. Hein? Al-Hanafi est dans cette question-là. Et si comme le cheikh dit, si c'est quelqu'un qui est maliki et qu'il voit que la preuve est avec, par exemple, le Hanbali, eh bien c'est obligatoire pour lui de prendre la position qui est supportée par le Dalil, même si cette position-là, elle existe chez l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? Donc, l'important et le but, c'est de suivre la preuve. C'est pas le fait de dire, bon, moi je suis tel imam et tel imam. Il y en a qui sont allés loin dans l'exagération et dans l'extrémisme par rapport aux questions de mazahib. Il y en a même qui sont allés jusqu'à déclarer de kuffar toute personne qui refusait de suivre un parmi les quatre mazahib. Hein? Et parmi, comme par exemple, il y a des ahbash maintenant, c'est ça ce qu'ils disent. Si quelqu'un ne suit pas un mazahib, c'est un kafir. Et Allah nous ta'ala. Donc ça c'est des exemples d'extrémisme et d'égarement, yani Allah nous ta'ala. Donc, le but c'est pas de suivre les paroles d'une personne. Il n'y a pas d'autres prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui est infaillible. Hein? Donc, si on suit un imam ou un savant ou un cheikh, il faut savoir que parfois il peut se tromper. Parfois souvent il va avoir raison, mais parfois il peut se tromper. Et si on nous ramène la preuve qu'il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit, ce que cet imam-là a dit, eh bien, il ne faut pas dire, ah, moi je mets la parole de mon cheikh, je la suis, je la laisse pas. Même si c'est contraire au hadith, je suis la parole du cheikh. Là, ça veut dire que tu as mis ton cheikh au-dessus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est grave. Hein? Donc, tu ne mets pas la parole d'un individu entre, au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est grave. C'est en fait un rejet de la vérité. Hein? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, il ne faut pas être fanatique pour les imams, ou pour les savants, ou pour les shuyukh. Hein? Il faut être fanatique pour, dans le sens qu'on s'accroche à la vérité, et on s'accroche au dalil, on s'accroche à la preuve. Et donc, il dit, وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية دمهم كشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم الإمام محمد بن عبد الوهاب ils ont tous ordonné ces choses là tous ces grands imams de l'islam ils ont ordonné ça et même les imams contemporains que ce soit le شيخ عبد العزيز بن باز شيخ محمد ناصر الدين الألباني et شيخ محمد بن عثيمين et les autres imams qui existent à notre époque également ils disent tous la même chose que tous ces imams là Si vous voyez que ma parole contredit les textes du Coran et de la Sunna, vous laissez tomber, vous laissez de côté mes paroles et vous suivez les textes, vous suivez les preuves. Hein? Donc ça c'est très important. Donc ça c'est très connu, ces paroles-là sont très connues dans leurs livres. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لا تعصب ولكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة لأنه ثروة يعني ثروة عظيمة ولكن نتابع الدليل من كان معه دليل يعني أخذنا بقوله وهذا هو الواجب donc le cheikh il dit ça ça veut pas dire que il dit ça c'est la position de Ahl al-Sunna wal Jama'a par rapport à ces questions là Hein? Et donc, on n'a pas à adopter une attitude de partisan, partisantisme, ou une attitude de fanatisme par rapport à ces divergences entre les ulama. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on rejette complètement les madahib. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout ce qui est dans les madahib, non. Hein? Parce que c'est une grande richesse, ces madahib-là. Et il y a des bonnes choses, il y a des fawa'id, beaucoup de fawa'id dans ces livres, et dans les livres des ulama et des fuqaha. Donc on peut en profiter de ce qui est dedans et les utiliser pour apprendre et comprendre le fiqh. Hein? Et donc, l'important, c'est de suivre le dalil. Du moment que tu comprends que c'est ça l'important, alhamdoulilah. C'est pas tu prends juste les livres de fiqh avec les masa'il qui sont mentionnés, il n'y a pas de dalil marqué, il n'y a pas de dalil mentionné. C'est juste apprendre à mémoriser les positions du madhab, sans aucune preuve. Et comment tu fais pour savoir si cette position elle est vraie ou non? Dans certains livres de fiqh que tu vas lire, des fois il y a des dizaines de différences d'opinions sur une seule question. Des fois même dans le même madhab, il y en a qui disent, moi je suis maliki, je suis l'imam malik. Des fois dans le même madhab, maliki, il y a trois positions sur une seule question dans le madhab. Laquelle tu vas choisir? Tu vas faire pile ou face? Hein? Non, il faut avoir du ilm, il faut être capable de ramener les divergences aux preuves pour savoir laquelle est correcte. Hein? Et donc si c'est le cas à l'intérieur des madhabs, donc il faut savoir que ce manhaj, c'est le manhaj qui nous sauve yani, de ces questions de divergence-là. Donc, on peut profiter de ces madahib, mais tant qu'on reconnaît les questions qui sont proches du dalil, on suit le dalil. Et c'est ça qui est obligatoire. وَمَنْ لَا يَعْرِفَ الدَّلِيلِ يَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لأنك تريد براءة الذمة فإذا كنت تعرف فالحمد لله خذ بالدليل وإذا كنت لا تعرف تسأل أهل العلم وهذا هو الواجب le sheikh il dit donc celui qui connaît pas le dalil qu'est-ce qu'il fait Il veut pratiquer quelque chose, il veut faire quelque chose dans la religion, mais il ne connaît pas le dalil. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux ulama, il demande aux savants. Et les savants vont lui répondre. Et Allah il dit dans le verset 43 dans Surat An-Nahl, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens qui ont de la science, hein, si vous ne savez pas. Hein? Demandez aux savants si vous ne savez pas. Et donc, du moment que tu as demandé aux savants, et que les savants t'ont clarifié la question, alors ça y est. Tu as fait ton devoir, tu as rempli ta responsabilité, ton obligation. Mais si tu ne sais pas, tu demandes. Et si tu sais, alhamdulillah, tu suis le dalil. Hein? Donc, ça c'est l'obligation à ce sujet-là. والقسم الثاني من هذا يعني الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام لم يترجح شيء منها بالدليل فلا إنكار على هذا من أخذ بقول من الأقوال شريطة أن لا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق ولذلك لا ينكر الحنبلي على الشافعي ولا ينكر الشافعي على المالكي والأئمة الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمان ولله الحمد ما وقع بينهم عداوات ولا وقع بينهم حزازات وإن وقع شيء من ذلك فإنما هو من بعض المتعصبة الذين لا عبرة بهم ولكن جمهور أصحاب المذاهب الأربعة والحمد لله ليس بينهم عداء ولا تفرق ولا حزازات ولا يتزاوجون ويصلي بعضهم خلف بعض ويسلم بعضهم على بعض ويتآخون مع أن عندهم اختلاف في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة التي لم يظهر رجحان بعضها على بعض ومن هنا قالوا الكلمة المشهورة لا إنكار في مسائل الاجتهاد فإذا كان أهل بلد على قول من هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر ما خالفها ولا ما يعارضها مجتمعين على رأي من هذه الآراء الفقهية فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا الاجتماع بل ينبغي الوفاق على عدم الاختلاف. Donc le chef il donne une autre catégorie, c'est la deuxième catégorie des questions d'ijtihad, c'est les questions d'ijtihad dans le fiqh, mais dans lesquelles il y a les deux positions sont, disons, il y a une divergence, mais c'est très difficile d'arriver à distinguer lequel des deux est plus proche de la preuve. Hein? Les deux positions sont possibles. Hein? Des fois, on n'arrive pas à trancher facilement entre les deux positions. Donc, dans ces questions-là, le cheikh il dit, il ne doit pas y avoir de condamnation ou de rejet par rapport à ces questions-là, ou du fait qu'on critique un côté ou l'autre. Du moment qu'on n'arrive pas à faire le tarjih, on n'arrive pas à trancher entre les deux dans ces questions d'ijtihad, donc on ne fait pas d'inkar dans ces questions-là. Celui qui prend une position parmi ces deux positions-là, il est, inshallah, correct, sauf que il y a une condition. C'est que quand il prend cette position-là, il ne prend pas avec une attitude de fanatisme ou bien de partisanisme ou de passion, il le fait avec l'intention sincère de suivre la vérité. Et ça, parmi ces exemples, c'est comme les exemples de, par exemple, moi je donne cet exemple-là de moi-même, Wallahu A'lam, mais c'est les divergences par rapport aux questions qui ont rapport avec le fait de couvrir le visage ou non. Hein, vous allez voir par exemple que certains ulama ils défendent que c'est obligatoire pour la femme de couvrir son visage devant les hommes étrangers quand elle sort. Et il y a d'autres ulama qui disent non, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire. Hein, donc ça c'est un khilaf. Et pour certains c'est difficile d'arriver à trancher entre les deux et à prendre une position parce qu'il remarque que les deux ont des adillas qui sont très fortes et très solides. Hein. Donc dans ces questions-là, parfois, ils n'arrivent pas à faire, à trancher ou autre. Hein. Donc, allez, si quelqu'un prend une position, et, ou, mais qu'il est sincère dans sa, dans sa démarche, hein, du fait qu'il recherche la vérité, il ne fait pas juste essayer de trouver la position qui satisfait ses désirs, juste parce qu'il dit, moi je ne veux pas, par exemple, que je ne veux pas que ma femme couvre son visage, ou bien il, la femme elle dit, non, moi je ne veux pas couvrir mon visage, donc je dis que c'est lui qui a raison, pas parce qu'il a lu les arguments et les preuves, juste parce que c'est ça qui satisfait son désir, là ça c'est pas correct. Hein? Il faut que vraiment la personne elle le fasse par une démarche de sincérité et d'honnêteté, hein? Et qu'elle analyse les choses correctement pour arriver à la conclusion. Mais il est évident que celui qui veut être sur le côté safe, comme on dit en anglais, hein, qui veut être sur le côté où, hein? Hein, celui qui veut prendre la précaution, qui veut être sur le côté qui est le plus sûr, il va faire ce qui est le mieux, c'est-à-dire il va couvrir tout, comme ça, il ne reste plus de choubha, il ne reste plus de doute, hein, d'ambiguïté, et non seulement ça, il fait ce qui est meilleur, selon la position de celui qui dit que c'est permis de ne pas le couvrir, hein, il fait ce qui est meilleur, donc alhamdoulilah. Donc c'est juste pour vous dire que des fois il y a des divergences comme ça, mais il n'y a pas de, il ne va pas y avoir de guerre, hein, de combat, de bataille, de division. On va pas se trancher, on va pas séparer la mosquée en deux parce que oh bon, on va pas prier avec ceux-là parce que eux ils disent que c'est pas obligatoire. Et l'autre côté va dire non, il faut, on va plus prier avec la mosquée. Non. Et malgré ça, on se comprend, on arrive, on sait que là, on croit que notre frère il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son, dans sa démarche, dans son analyse, dans sa recherche. C'est des questions d'ijtihad. Les ulama ont fait des ijtihadat et on croit que celui qui a la bonne, qui est arrivé à la position de vérité, il a deux hasanat, il a deux récompenses. Hein? إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si le mujtahid il fait un effort de déduction, il arrive à la position de vérité, alors il a deux récompenses. Mais s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, alors au lieu de, il va pas être puni, il est excusé. Et non seulement il est excusé, mais en plus, il a une récompense pour son ijtihad, malgré qu'il s'est trompé. D'accord? Donc, ça c'est par rapport à ces questions qui ont rapport à l'ijtihad. Hein, donc il ne faut pas tomber dans le fanatisme comme le cheikh il dit. Et il dit de toute façon, il dit le cheikh, les gens qui, les imams des quatre madhahib et ceux qui les ont suivis, ils ont toujours été comme des frères entre eux. Déjà ils sont sur le même aqidah, l'aqidah de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et l'aqidah des salaf, hein, ils ne font pas partie des groupes de bid'ah ou des sectes, contrairement à ceux aujourd'hui parmi les groupes de bid'ah comme les Ahbash et d'autres groupes qui disent qu'ils suivent les imams et qui disent nous on est les sunnites puis on suit les quatre madahib, hein, et les wahhabites eux ils suivent pas les quatre madahib. Allah musta'an. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et l'imam Ibn Taymiyyah, ils étaient tous les deux, ils étaient des Hanabila, ils étaient sur le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Comment vous dites que ils sont pas sur un des quatre madahib? Déjà c'est un mensonge, hein. Et deuxièmement, en plus, ils prétendent qu'eux ils sont les seuls sunnites ou qu'ils sont sur la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, alors qu'ils sont sur la aqidah de Abu al-Hassan al-Ash'ari dans sa période intermédiaire lorsqu'il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur la aqidah des Maturidiyya qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prétendent suivre les quatre imams, mais ils sont sur une aqidah qui est apparue 100 ou 200 ans après la mort de ces imams. Comment ils peuvent prétendre être sur la aqidah de ces imams-là? Et la plupart d'entre eux, ce sont des, la plupart de ces gens-là qui prétendent suivre ces imams-là, ce sont des soufis, hein, et ils suivent des turuqs soufis qui n'existaient même pas à l'époque de ces quatre imams, hein, puisque ces bid'as de soufis n'existaient pas à l'époque de ces imams-là, hein, c'est des choses qui sont arrivées bien après. Et donc c'est pour cette raison-là que, yani, déjà en partant, il faut comprendre que ces quatre imams, ils étaient tous sur la même aqidah. Et quand on dit les quatre imams, on fait juste parler des quatre imams qui sont les plus connus. Parce que sinon, on sait qu'il y a des centaines et des centaines d'imams parmi les imams des salafs, hein, des grands savants de la Ummah. D'accord? Et ils étaient tous comme des frères les uns avec les autres, à travers les siècles, à travers le temps. Alhamdulillah, il n'y a pas eu de disputes, des guerres ou d'animosité entre eux, hein. Des fois même certains imams ou certains ulama, ils changeaient de madhab, hein. Il y en a des ulama, à un certain moment de leur vie, ils étaient Shafi'i, ils ont changé pour le madhab Hanafi. D'autres, ils étaient, yani, Hanafi, sont devenus Hanbali, hein. C'est permis, c'est correct. Du moment qu'il le fait en se basant sur l'idée qu'il retourne au dalil et aux preuves, hein. Il y a des exemples de ça. Et si je me souviens bien, je pense que c'était l'imam Tahawi, hein. Il était Shafi'i, il a changé pour le madhab Hanafi par la suite. Et il y a d'autres exemples comme ça dans l'histoire. Donc, ce sont des frères, ils n'avaient pas d'animosité les uns contre les autres, hein. Et ça a toujours été comme ça, alhamdoulilah, excepté pour certains fanatiques, hein, qui à certains moments de l'histoire, c'est vrai, il y a eu des dépassements et des exagérations. À un certain moment donné, même à Mecca, il y avait quatre mihrabs différents, et chaque groupe priait derrière son imam, un après l'autre, ils faisaient un azan et une iqama différentes pour chaque imam de chaque madhab, et les malikites priaient derrière l'imam maliki, et les autres attendaient pendant ce temps-là. Et quand ils avaient fini, là, les autres, ils se levaient, ils priaient. Et comme ça, quatre fois. Quatre imams autour de la Kaaba, comme ça. Et c'est l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il est venu, il a détruit ses mihrabs, il a dit, vous allez tous prier derrière un seul imam, peu importe votre madhab, c'est quoi cette histoire? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quatre mihrabs autour de la Kaaba? Jamais! Ça, c'est des innovations, ça. Hein? Donc ça c'est un point important à comprendre. Donc, ils étaient tous des frères entre eux, hein, ils se mariaient les uns les autres, hein, et ils priaient les uns derrière les autres. Déjà quand on prend en considération que Abu Hanifa, ses plus grands élèves, ils ont étudié avec l'imam Malik. L'imam Shafi'i est un élève de l'imam Malik. L'imam Shafi'i a étudié avec l'imam Ahmad, et l'imam Ahmed a étudié avec l'imam Shafi'i, hein. Donc ils étaient tous les élèves et les professeurs les uns des autres, ils ont tous étudié un avec l'autre, hein. Donc c'était tous des frères, hein. C'était tous des gens qui étudiaient et prenaient la science l'un de l'autre. Donc ça c'est des choses importantes à comprendre et à connaître. Et donc c'est pour cette raison-là que lorsqu'on dit que quand il y a des massas et des jihad, hein, eh bien, ça c'est bien entendu, il faut que ce soit des questions d'ijtihad. C'est pas que tu prends une question qui est claire dans le Coran et dans la Sunna, puis tu dis, ah il y a des divergences à ce sujet-là, alors que c'est même pas vrai, il n'y a pas de divergence, mais toi tu veux dire qu'il y a une divergence pour faire croire aux gens qu'il y a des divergences, pour que tu trouves une faille pour essayer de rendre halal ce qui est haram, comme certains prêcheurs le font actuellement, hein, ils prennent des choses qui sont haram clairement, comme par exemple la musique, ils vont dire, ah mais il y a des divergences d'opinion, hein, qui a ramené cette divergence d'opinion, hein, ça c'est les shayatins qui ont amené la divergence d'opinion là-dessus, c'est pas les ulama de l'islam, donc ça c'est des exemples, ils vont dire, ah il y a des divergences, il n'y a pas de divergence, c'est toi qui l'as inventé cette divergence-là, hein. Donc, il ne faut pas tomber dans cette erreur-là, mais il faut comprendre que quand il y a des vraies questions d'ijtihad et que les deux positions, on a du mal à trancher entre les deux et que les choses sont plus serrées, plus les deux positions peuvent être vraies, hein, on a de la difficulté à trancher entre les deux, et qu'on n'arrive pas clairement à distinguer entre les deux, alors dans ce cas-là, le Cheikh il dit, dans ce cas-là, on ne se réfute pas les uns les autres dans ces questions-là. Et bien entendu, il y a des détails à sujet de cette parole-là, la inkar fi masa'il al-ijtihad, il y a des détails à ce sujet-là. Si vous voulez savoir les détails à ce sujet-là, il y a un livre qui a été écrit par Hamad ibn Ibrahim al-Othman, qui s'appelle Zajr al-Mutahawin, بقاعدة المعبرة والتعاون. Dans ce livre-là, il mentionne les tafsils, yani, au sujet de cette parole, et que c'est pas absolu. Et également, il y a le Cheikh Mohamed Bazmoul qui a écrit un livre sur les questions de Al-Ikhtilaf, Oma Ilay, et il mentionne cette question-là, puis il explique les tafsils et détails au sujet de cette question aussi. Donc, le chef dit ça, إذا كان أهل بلد على قول, il dit, si les gens d'un pays sont sur une position, et que ça fait partie des questions d'ijtihad dans lesquelles, on a, il y a eu de la divergence et que on n'arrive pas à trancher clairement dans ces affaires-là, ah ben, s'ils sont tous d'accord sur une position, parmi les positions de fiqh, alors, toi, viens pas pour essayer de créer de la division entre eux alors qu'ils sont tous réunis sur cette question-là, puisque ça ne sert à rien de ramener des divergences alors que les gens sont d'accord sur quelque chose, alors qu'il y a une ouverture. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, puis en même temps aussi, c'est la dernière session parmi les sessions du séminaire, c'est le 7e séminaire donc de Tourcoing, donc on remercie les frères organisateurs. On remercie la mosquée et les responsables de la mosquée pour avoir fait tout ce travail pendant cette fin de semaine. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce travail-là de notre part, qu'il rende nos intentions et nos actions sincères et qu'elles soient faites avec ikhlas, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on espère que dans l'avenir, Inch'Allah, il y en aura plus, puis que et que Tourcoing et les autres régions de la France, alhamdoulilah, avec ces séminaires qui se multiplient, commencent à être de plus en plus illuminés par la science de l'islam et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.